Exercice 5, page 128. A. Je ne le trouve pas beau. B. Je ne me sens pas bien. C. Je ne l'ai pas battu. D. J'ai eu un bon point. E. Je les trouve bien petits. F. Il est bientôt père.